Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu de problème avec le test, continuez maintenant avec la prochaine conversation entre le réceptionniste et la cliente. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Alors, madame, vous comprenez ? Bien sûr, je comprends. Le numéro n'est pas attribué. C'est ça, madame. C'est mon mari. Pardon ? Mon mari. Le numéro n'est pas bon. C'est la faute de mon mari. Ah, oui, madame. Voulez-vous consulter le Minitel ? Non, ce n'est pas important. Merci, monsieur. Au revoir, madame.